Merci Fred pour ce blockbuster sur Sardou. Franchement, ça m'a remis dans la 504 de mon papa qui était fan de Sardou et qu'on écoutait à fond. Et je les connais par cœur et c'est trop génial. Mais je vote à gauche. Salut! Ça fait 5 ans maintenant que j'écoute France Inter pendant 1 heure tous les étés, alors que je suis même pas un prof de collège en vacances. Mais grâce à vous, en 5 ans, on a eu le droit à du vrai rock qui tâche, du métal, des génériques de séries animées, et même en japonais. Mais là, c'était l'Everest. Le summum. Que dis-je, le summum? L'apothéose pour la playlist France Inter. 20 minutes, j'ai tenu 20 minutes à l'écoute de Michel Sardou, je n'en pouvais plus. Ah ouais, je savais pas quoi faire dans la vie alors que j'avais deux parents dans le showbiz, dont un père qui chantait déjà, et que des amis dans le showbiz qui n'allaient pas du tout pouvoir m'aider. Oh, qu'est-ce que je pleure! Et puis tout d'un coup, je me suis dit, oh allez, je vais devenir le chanteur le plus réac, le plus misogyne, le plus raciste, mais disons-le, de la terre. Depuis hier, je chante du Michel Sardou, alors que je déteste Michel Sardou. Donc j'espère que tu vas bientôt nous faire une autre émission qui va nous remettre les neurones à l'endroit. Bah écoutez, une sacrée croisière hier sur le paquebot France. Sans déconner, Michel Sardou. Fâcheux de première, il n'y a pas de voix. Vous parlez de ses bouquins, on sait très bien que c'est pas lui qui écrit. Donc stop quoi. On y vit encore au temps de France Inter et de Sigrist, au rythme des pluies et du soleil au pas de Dedo. On y croit encore au Monster Hunter, même si on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais on va sans doute écouter. Not to be. On arrive bientôt à la fin de l'été et je ne veux pas qu'il soit dit que je n'ai pas été force de proposition quant à l'avenir du monde. J'ai une solution pour lutter contre les bouleversements climatiques d'aujourd'hui ou à venir. Alors point de pistes cyclables, de brosses à dents en bambou et autres toilettes sèches, non. Ma solution pour sauver l'humanité, c'est qu'on devienne tous des chasseurs. Oui, j'ai bien dit des chasseurs. Mais sans fusil, à l'ancienne, avec des arcs et des flèches, avec un coutelas, comme Raon. Xavier Bertrand a raison, la chasse peut être une solution écologique viable. Alors évidemment, on arrête de vendre de la viande dans des supermarchés immondes ou de faire de l'élevage industriel. Désormais, si on veut un steak, il faudra mettre se réveiller 4h du matin, partir en forêt et on mangera uniquement ce qu'on aura réussi à attraper. Et ben, je vais vous dire, je suis sûr qu'avec ce tout petit changement de consommation, et il ne faudra pas 2 jours pour que 60% de la population devienne végétarienne. Moi le premier, hein. Tu me forces à chasser ce que je veux manger, je suis certain qu'un bon bol de boulgour, je te regarde en mode « je suis repu ». On dirait pas comme ça, mais les baies de Goya, ça te cale ton homme. Hein. Alors bien sûr, il restera toujours un tout petit pourcentage de survivalistes acharnés capables de traquer un animal pendant 6 jours, un couteau entre les dents en mangeant de la mousse et en buvant son pipi, mais je doute qu'ils parviennent à assurer à eux seuls la demande en burger de l'Occident. Voilà, vu qu'il semble compliqué de demander aux gens de faire des efforts pour sauver le monde, si on se mettait à faire confiance à leur paresse. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Un vent favorable, comme la bannière de la cinquième. La chance est de notre côté. Ah oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Qui sait quel secret cette terre nous réserve encore? Cependant, peu importe les dangers, nous les découvrirons. Oui. Si le studio de jeux vidéo japonais Capcom est connu principalement pour les licences telles que Street Hadouken Fighter ou Resident It's a Zombie Evil, en 2004 est apparue une licence qui n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à devenir tout simplement le jeu vidéo le plus vendu par le studio Capcom, Monster Hunter. Plus de 20 millions d'exemplaires vendus pour le dernier, Monster Hunter World. Et pour comprendre et expliquer ce phénomène, j'ai avec moi Vincent Hoffman, bonjour. Bonjour. Alias Aranok, c'est ça. Vous êtes consultant Monster Hunter. Aussi, entre autres. Avec nous également, Oncle Sam, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes streamer sur Twitch. C'est ça, exactement. Mélodie Guidon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Mizu. Oui. Et vous êtes streameuse sur Twitch. C'est ça. Et un revenant, Kevin Nessicurel, bonjour. Bonjour. Alias Moguri. C'est ça. qui toutes les deux semaines avec son coéquipier Médoc présente le Cozy Corner, c'est un podcast sur la pop culture de manière générale. C'est fou, c'est exactement ça. Oui, c'est bien lire les notes qu'on m'a donné. Ensemble, on va vous expliquer c'est quoi Monster Hunter, parce que là je sais très bien que quand on aborde le jeu vidéo, souvent les auditeurs font « je ne vais rien comprendre ». Donc on va essayer d'être didactique. Quelles sont les mécaniques de jeu, d'où vient le plaisir et succès qui en découle? On vous dira quel est selon nous le meilleur épisode. On parlera bien évidemment aussi du développement de la franchise en manga, mais aussi en série animée et malheureusement en film. Bref, pendant une heure, on part à la chasse aux monstres. Waouh ! Le nouveau monde. Impressionnant, non ? Vous allez ouvrir le bal et avoir la lourde tâche d'expliquer aux auditeurs ce qu'est Monster Hunter. Ok, qu'est-ce que c'est Monster Hunter ? Eh ben, on va essayer de faire au plus simple. C'est un jeu, entre guillemets, hack and slash. Donc, on va dire, on tape des monstres, voilà. Tout simplement. Et on va incarner un chasseur. Un chasseur qui va devoir protéger, tout simplement, un village ou des villages. Et pour ça, vous allez devoir, en fait, tout simplement aller dans la nature, aller chasser des monstres, protéger cela, et avec les crocs, les griffes, les écailles, vous allez pouvoir fabriquer des armes et des armures pour aller affronter des monstres encore plus puissants. Oui, en fait, il y a un principe de progression incrémentielle, c'est-à-dire que le monstre qu'on a abattu est la plateforme sur laquelle on va pouvoir évoluer et faire évoluer faire grandir son personnage, le rendre plus puissant, plus résistant, avoir des épées qui coupent mieux, des fusils arbalètes qui tirent plus loin. Voilà, il y a cette dimension-là. C'est tout à fait ça. Beaucoup de craft, donc beaucoup d'équipements à fabriquer en fait pour améliorer son chasseur, puisque dans ce jeu-là, il n'y a pas de système de niveau comme on peut le voir dans beaucoup d'autres jeux. Là, c'est vraiment le joueur qui va s'améliorer avec le temps, en apprenant de ses erreurs, en prenant des coups sur la tête, tout simplement. Et donc, c'est les équipements qui vont faire votre défense, l'attaque avec les armes, mais toute la véritable expérience et la force de Monster Hunter, c'est justement, ce sont les joueurs qui sont vraiment, qui passent des niveaux, on va dire, à chaque fois, quand ils affrontent de nouveaux monstres. Mizu, vous avez découvert la franchise Monster Hunter avec quel épisode ? Moi, il y a très très longtemps avec Freedom Unite. En fait, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, je crois. Ça devait être en 2009 ou 2010. Et c'était un moment... c'est vraiment des moments de nostalgie que j'adore parce qu'on était à la fac avec des amis. On s'est lancé sur Monster Hunter et je me souviens encore, on était 8 dans une chambre de 9 mètres carrés à faire des missions ensemble et c'était génial. Et est-ce que c'était à l'époque, le online n'était pas encore complètement... il fallait être non, en local, voilà, en fait. On était en local, c'est pour ça qu'on était 8, parce qu'on pouvait partir 4 maximum en mission contre le même monstre. Du coup, on se faisait des teams, on switchait de partenaires et tout. C'est-à-dire que vous aviez tous chacun votre console On avait tous chacun notre console. Freedom Unite, à l'époque, c'était sorti sur PlayStation PSP, PlayStation Portable. Et du coup, comme aujourd'hui, on pourrait avoir chacun sa Switch, là, on avait chacun notre PSP et on jouait tous ensemble... dans la joie et la bonne humeur, et la rage aussi. Des oui, fois. Parce que c'est ça, c'est vrai que là, quand on pose le pitch de départ, on peut se dire, oh là là, ça, c'est terrible, on va partir chasser des monstres, mais l'univers de Monster Hunter, même si les monstres sont extrêmement impressionnants et effrayants, c'est un univers très joyeux. Oncle Sam, il y a quelque chose de très gai, en fait, dans l'univers de Monster Hunter. Ah, très gai, ouais, c'est assez particulier, mais ce qui fait la force de Monster Hunter, c'est comme l'a dit Aranok, c'est l'expérience de ton chasseur. Plus tu vas y jouer, plus tu vas y prendre goût. L'univers, les musiques du jeu accompagnent incroyablement bien en plus tous ces combats épiques. Et plus on évolue, plus on en redemande. C'est ça en fait ce qui est incroyable sur ce jeu. Et l'avantage incroyable aussi de Monster Hunter, c'est qu'on a un gameplay unique au monde, puisqu'on a 14 armes différentes, et pour chaque arme, on qui conditionne la classe, la classe du chasseur. Exact. Enfin, ouais, entre guillemets, l'arme fait, entre guillemets, la classe du chasseur, en fonction de votre gameplay, en fait. Il n'y a pas de gameplay qui va à un seul personnage. C'est le vôtre, en fonction des patterns de chaque monstre. En gros, c'est ça. Alors, les patterns, expliquez-nous. Les patterns d'un monstre, c'est-à-dire, en gros, chaque monstre. C'est ses habitudes. Voilà, ses habitudes, ses attaques, ses différentes attaques, ses manières de se comporter aussi. C'est ça, en gros, qui fait la difficulté aussi du combat. Principalement, c'est ça. Alors, il faut noter que par rapport à beaucoup, beaucoup de combats, de jeux vidéo dont on a pu parler dans Blockbuster, les personnages de Monster Hunter ne sont pas aussi véloces que, par exemple, Dante ou Bayonetta. Et c'est souvent ce qui frappe quand on se lance dans un Monster Hunter, c'est que les personnages ont des grosses armures, donc ils courent très lentement. Et pareil, il n'y a pas un système automatiquement de verrouillage sur le monstre qu'on poursuit. En termes de maniabilité, il y a quelque chose de très différent des jeux d'action qu'on a l'habitude de rencontrer. Ah oui, totalement. C'est vraiment particulier dans le sens où c'est une sorte, on va lancer, en gros l'objectif c'est, on va lancer une quête. Cette quête, ça va être soit d'aller, on peut faire de la récolte aussi, aller récupérer des champignons ou autre. Quand on commence Monster Hunter, c'est souvent par là qu'on commence, avant d'affronter les véritables gros monstres du jeu. On commence dans la douleur. Voilà. C'est ça. Oui. Exactement. Et c'est petit à petit, en gros, effectivement, en fait, c'est la mobilité de votre personnage se fera en fonction de l'arme. Il a des armes très très lourdes, par exemple la grande épée, le marteau, qui sont des armes plutôt lourdes, et les armes très vives et super rapides, comme des doubles lames, par exemple, ou des armes à distance, comme l'arc aussi, où vous êtes beaucoup plus mobile, ou encore l'épée bouclier, qui est une arme... Et il y a l'arc géant aussi. L'arc géant ? Oui, enfin, une sorte d'énorme, on appelle ça une arbalète. Mais... Alors oui, en français, en gros, c'est un fusil arbalète, oui. Excusez-moi, il y a des mots qui m'arrivent avec un léger décalage horaire. C'est exactement ça. Voilà, c'est parce que la moitié de ma famille est aux Antilles et elle a gardé une partie de mes mots. Et voilà, je viens de la recevoir, c'était arbalète. C'est ça, fusil arbalète lourd et fusil arbalète léger. Il y en a une lourde et une légère. Très bien, c'est ça. Très bien. Moguri, vous avez découvert Monster Hunter avec quel opus ? Alors pas avec le tout premier, ni même avec le troisième, même s'il s'appelle Tree. C'est Monster Hunter 3, mais c'est pas le troisième épisode à être sorti de la série. C'est une série japonaise, ce serait beaucoup trop simple. Donc c'est pas le premier de la série. Hein. Il est sorti il y a combien de temps ? Il y a un peu en près 2010. 10 ans. En 2010, il y a 10 ans, voilà, c'est ça. Ouais. En Europe. En Europe. Et donc c'était pour le travail à la base, parce qu'à l'époque j'étais testeur de jeux vidéo, quel magnifique métier. Oui. Et donc c'était vraiment pour le travail. J'avais entendu parler de la série avant, mais j'étais pas forcément plus attiré que ça. En partie pour les raisons qui viennent d'être évoquées, ces chasseurs un peu lourds à contrôler. C'est quand même une. Il faut s'y faire, quoi, au début. Ça peut être une entrée un peu douloureuse dans la série. Et en fait, je me suis fait happer par cette série, comme je pense un peu tout le monde ici autour de la table, ça a été décrit. C'est d'abord, on a ses premiers combats un peu durs, et puis finalement, on arrive à battre son premier monstre, et puis on comprend un peu toute la mécanique du jeu, on comprend pourquoi ces mouvements un peu lents finissent par être gratifiants, parce que ça veut dire qu'on doit réfléchir à chaque action, que chaque action a vraiment beaucoup de poids, qu'on ressent beaucoup le coup et le contre-coup des combats. Et j'ai plus lâché depuis, quoi. À chaque épisode qui sort, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. On se fait mordre et après on n'arrête plus, quoi. Et là, j'aimerais vous demander un petit peu d'expliquer aux éditeurs ce système de cartes très particulière quand on se lance dans un Monster Hunter, c'est-à-dire ces zones qui, pour les premiers, ça a un petit peu évolué depuis, mais étaient reliées comme ça par des sortes de couloirs et dans lequel on piste le monstre que l'on chasse, en fait. Parce qu'il y a cette idée aussi de traquer le monstre. Et des fois, il n'est même pas dans son antre, mais on découvre l'antre dans lequel il y a un nid, des fois une sorte d'œuf, etc. Donc comment vous avez appréhendé ces différentes cartes et ces pérégrinations quand vous avez découvert le jeu ? J'y vais. À chaque fois, on commence dans le hub, donc, qui est le village, qui est la base en gros, et il nous donne des quêtes, et sur la quête est écrit la zone dans laquelle sera le monstre. Donc il nous envoie directement téléportation dans la zone. Il y a la zone du volcan, souvent, il y a la zone de la montagne de glace, il va y avoir la zone de la forêt, il y a Flooded Forest aussi, je ne sais pas comment on pourrait la... La forêt inondée. Les forêts inondées, les marais, tout ça. Et au final, il y a sur cette carte, par exemple la carte du volcan, il va y avoir plusieurs zones de 1 à 12 en général. Et là, c'est le moment où il faut se mettre à chercher le monstre. Et du coup, on va aller chercher dans toutes les zones. Mais finalement, elles ne sont pas si grandes que ça, à part dans Monster Hunter World, du coup, où ils ont vraiment, vraiment augmenté la taille des cartes. Mais c'est pratique parce qu'il y a plusieurs bases sur la carte, donc comme ça on peut se téléporter assez rapidement. Et une fois qu'on a trouvé le monstre, à l'époque en tout cas, avant il fallait lui mettre une petite paintball dessus, une baie peinture, pour pouvoir. Mais qui dégage une odeur et qui permet de le traquer si jamais il s'enfuit en fait, de la zone. En fait, ça faisait un point rose sur la mini carte qu'on avait et on pouvait le suivre, mais elle s'effaçait évidemment au bout d'un moment. Et aujourd'hui, il y a un nouveau système avec les navicioles où les navicioles vont trouver des traces du monstre, des coups de griffe sur les arbres et tout, et qui vont remplir une jauge. Et au final, les navicioles vont nous diriger. Ils ont accentué la dimension de piste. Ouais, ça, c'est à partir de Monster Hunter World et c'est vraiment chouette. Alors depuis le début de cette émission, on parle de chasse, donc avec une subtilité d'une chemise désiguale à un enterrement, je vous propose d'écouter Hunter de Pharrell Williams. C'était Pharrell Williams avec Hunter dans Blockbuster sur France Inter. La vouivre immortelle, de ce que nous savons, aurait le pouvoir de réduire à néant le fondement même des écosystèmes. Nous devons à tout prix l'arrêter. Mmh. Nous sommes toujours avec Aranok, Oncle Sam, Mizu et Moguri pour parler du jeu vidéo Monster Hunter. Et alors, c'est très marrant, vous ne le voyez pas les auditeurs, mais pendant l'extrait, autour de la table, tout le monde a la main sur le cœur. Oh, c'est ce moment, ça m'a touché, cette musique, etc. Et justement, j'aimerais qu'on continue de parler de votre expérience de joueur, parce que vous avez un lien assez fort avec cette licence. Quelle est la classe, votre classe de prédilection? Quelle est l'arme que vous choisissez et est-ce que vous vous y tenez ou est-ce que de temps en temps vous changez? Mizu. Alors moi je suis passée par beaucoup d'armes, mais en général toujours le même genre, c'est des armes qui me donnent de la mobilité. Donc ça va être les doubles lames, le katana, surtout la morpho-hache. Je suis vraiment tombée amoureuse de la morpho-hache, donc c'est une hache qui se transforme en épée et avec l'épée ça donne des coups très rapides. Je suis passée par la Gunlance aussi, très brièvement, mais voilà, j'ai joué beaucoup d'armes. C'est très particulière à jouer, parce qu'en fait, il faut anticiper le déplacement du monstre que l'on poursuit, ouais, pour la lancer, parce qu'elle a une sorte de réacteur, cette lance, qui permet de faire des sortes de percées. La Gunlance, en fait, c'est déjà, il faut gérer le bouclier, donc qui avec sa stamina, enfin il y a une jauge de stamina, la jauge de résistance, la stamina, ouais, c'est l'endurance du personnage, voilà, la stamina, voilà, c'est l'endurance du perso, et il faut aussi gérer le nombre de balles qu'on a dans, parce que c'est une lance qui tire des balles en gros, et il faut les fabriquer également, voilà, balles non, elles sont directement dans la gueule, non, c'est, il faut juste fabriquer l'arme, les balles qu'il faut fabriquer, c'est les balles qui vont dans les fusées arbalètes. Très bien, je les confonds. Voilà, pas de souci. Ça peut être compliqué au début, quand on ne connaît pas, de toute façon. Et il faut gérer aussi le feu de wyvern. Et ce qui est jouissif avec la gunnance, c'est que le feu de wyvern, c'est le coup qui fait le plus mal de tout le jeu, je crois. Donc vous, voilà, c'est... C'est les armes qui donnent de la mobilité, en gros. Très bien, oui, Oncle Sam. Je passe par beaucoup de choses. Alors pour moi, c'est d'abord, avant toute chose, évidemment, le katana, le katanoob pour les intimes, of course. Mais du coup, katana et marteau, qui est une arme complètement différente du katana, puisque beaucoup moins de mobilité, mais de gros dégâts, mais il faut beaucoup de précision, il faut de l'anticipation, comme tu le disais tout à l'heure. Et katana avant toute chose, puisque les feels, les vibes du shonen, c'est ça qui donne envie en gros de jouer katana souvent aux joueurs, qui est l'arme la plus jouée d'ailleurs. Mais le shonen étant ce type de manga, c'est ça. Exactement. Voilà, avec des jeunes héros, les représentants du genre, c'est One Piece, Naruto, Dragon Ball. Et le katana étant une arme assez mobile, quand même très mobile même, et qui fait énormément de dégâts avec des attaques très impressionnantes. Mais après, je suis quelqu'un qui joue quand même beaucoup d'armes. Je joue quand même vraiment presque toutes les armes du jeu. Alors pas évidemment aussi bien toutes les unes que les autres, mais ouais, mes armes préférées c'est vraiment celle-ci c'est pour ça. Et vous avez commencé en disant katanoob. Est-ce que ça veut dire qu'au sein de la communauté des joueurs de Monster Hunter, il y a une forme de jugement de valeur autour de qui utilise toujours un petit peu. Voilà, donc si jamais on utilise un katana, on est vraiment un débutant. Parce que c'est en fait souvent c'est ce qu'on dit, parce que c'est l'arme que les gens, en fait tout le monde souvent commence par jouer avec cette arme-là parce qu'elle est assez accessible. On fait quand même de bons dégâts malgré le fait qu'on ne sache pas encore correctement jouer l'arme. Il y a une belle portée aussi avec cette arme, c'est ce qui fait la différence, c'est que par rapport à d'autres où c'est un peu plus au corps à corps, celle-ci elle permet d'être juste entre les deux. C'est ça. Et c'est assez avantageux, je trouve, pour commencer avec celle-ci. Donc totalement. C'est pour ça qu'elle a ce nom-là. Pour faire simple, en fait, pour toutes les armes du jeu, pour les 14 armes de Monster Hunter, elles sont toutes, tout est accessible, mais pour devenir vraiment un maître de cette arme, le niveau est tellement grand, il y a tellement besoin d'expérience. Il y a des différences entre un joueur qui commence et qui se sent à peu près correct, et entre le joueur qui sera de vraiment bon avec son arme. Il y a un écart si grand, un nombre d'heures incalculable à vouloir apprendre le comportement des monstres et savoir se placer au bon moment pour faire des mouvements impressionnants. Par exemple, pour marteau, ce qui est impressionnant, c'est ça, c'est d'anticiper le monstre pour le chaos, pour le mettre au sol, par exemple. Les dégâts sont assez impressionnants aussi, plus évelés que du katana, par exemple, sur un seul coup. Et c'est ça qui fait un peu le feeling. Tout dépend de vos préférences. Si vous voulez jouer à distance, vous pouvez. Vous voulez jouer corps à corps, vous pouvez. C'est ça qui est bien dans Monster Hunter. C'est la force du jeu. Alors moi, c'est marteau essentiellement. Sur cette arme, c'est l'arme des bourrins. Mais comme le disait Oncle Sam, c'est surtout, il faut avoir une bonne technique sur sa capacité d'adaptation des mouvements des monstres. C'est-à-dire comment réussir à placer son coup, puisqu'en fait, on doit généralement charger son marteau, entre guillemets, donc le maintenir, prêt à faire une grosse attaque. Alors que l'animal bouge énormément. L'animal bouge énormément, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à asséner le coup juste au bon moment et particulièrement dans la tête, c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer de l'assommer. Donc ça, c'est vraiment une arme que enfin que je joue depuis vraiment des années à présent sur la licence, hein, depuis le début, hein, en 2005, puisque le jeu est arrivé en Europe en 2005 sur PlayStation 2. Et sinon, tout à l'heure, Mizu parlait de la PSP, donc des sessions avec les copains où on jouait ensemble. Et à l'époque, j'étais beaucoup joueur arc en soutien pour paralyser les monstres, les endormir, etc. Et donc ça aide énormément aussi pour pouvoir pallier quand les gens sont au corps à corps, par exemple, de pouvoir utiliser du soin à distance, ça veut dire avec des poudres de vie. Ça permet de remonter la vie à ses coéquipiers, tout simplement, ou de flasher le monstre pour tout simplement l'aveugler, l'immobiliser, en tout cas en partie. Parce qu'il y a évidemment aussi la possibilité de les capturer. Tout à fait. Tout à fait, les monstres, on peut les capturer. En fait, vous avez deux possibilités. Soit vous allez tuer le monstre pour pouvoir le dépecer et récupérer des objets, soit vous allez pouvoir le capturer pour la guilde, généralement. Et donc, il va être transféré directement dans des arènes pour faire d'autres combats, ou alors ils vont être étudiés directement par les vivériens, qui sont des personnages dans le jeu, qui sont de véritables chercheurs, hein, tout simplement, et qui essaient de comprendre la subtilité. Oui, parce qu'il y a quand même, on est vraiment là sur le côté chasse du monstre alpha, mais on est face à des peuplades qui vivent en harmonie quand même avec leur écosystème. C'est-à-dire que, parce que je connais les auditeurs de France Inter, je sais très bien que depuis tout à l'heure ils sont en train de me dire, mais ces gens-là sont en train de faire l'apologie de la chasse et du tout. Vous aimez les animaux totalement. En fait, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est pour ça qu'on va rectifier le tir tout de suite. L'idée, c'est qu'il y a un équilibre dans le jeu. L'équilibre, il est là, c'est que les êtres humains ou les vivériens, les peuplades qui sont dans Monster Hunter vivent en harmonie avec justement la nature. Mais il y a des déséquilibres qui se créent avec le temps, et c'est pour ça qu'en fait il existe la guilde qui embauche des chasseurs pour pouvoir rétablir celui-ci. Et donc les monstres que vous allez combattre sont justement des monstres agressifs souvent qui ont changé de domaine, de territoire, et donc qui viennent en fait tout simplement bouleverser l'écosystème et la biodiversité. Voilà, tout à fait. Après, c'est l'argument de tous les chasseurs de France aussi. Oui, oui. C'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. Et Muguri, après la chanson, je vous poserai la question sur votre arme. On va encore parler de ces très bons jeux que sont les Monster Hunter, mais pour le moment, on va écouter Fixie qui nous chante quelque chose que l'on devrait se dire bien plus souvent, chers auditeurs. La vie est belle. Blockbuster est une émission réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Emma Ferret avec l'assistance de notre stagiaire Robin Soadenac et de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendent et donc vos tours pour manger. Se régaler. Amis, vos tours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. Fait pour être partagé. Gâteau. allons remonter. La vie est belle. Nous allons remonter. Mais c'est pas. Nicolas Giraud et Fixie, oui, je vous le dis, je le répète, la vie est belle. Blockbuster. Chose sérieuse commence. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Moguri, ouais. Juste avant cette chanson, vous avez eu cette punchline magnifique en disant « Oui, enfin c'est quand même l'argumentaire de tous les chasseurs français. » Mais justement, parlons-en. Vous, quelle est votre classe? Quel est votre type d'arme? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer toutes les armes, tout ce que propose le jeu. Je vois un peu Monster Hunter comme, et c'est pas étonnant de la part de Capcom, comme une sorte de jeu de combat solo. C'est-à-dire que il y a 14 armes, il pourrait y avoir 14 personnages dans Street Fighter. Chaque arme est une nouvelle manière d'aborder le jeu. On a fait le tour avec un Ryu, on passe à Ken, c'est pas... D'ailleurs, vous croyez pas si bien dire, dans le dernier opus sur Nintendo Switch, ils viennent d'annoncer que Akuma donc un des personnages de Street Fighter, va aller chasser du monstre grâce à un équipement. Effectivement, c'est pas une nouveauté. Hein, la série a une longue tradition derrière elle de collaboration avec des séries Capcom. Oui, Devil May Cry notamment, Okami. Et donc oui, j'aime bien jouer toutes les armes, mais ma préférence va souvent aux armes de vraiment corps à corps. Donc on a cité le marteau avant, juste pour citer, j'aurais dit le marteau aussi, mais pour citer autre chose, je vais dire l'épée et bouclier, qui est une arme aussi de vraiment de corps à corps. Et on est obligé d'être vraiment le plus près possible du monstre. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que, pour rejoindre un peu ce qu'on disait, sans être... Je suis quelqu'un qui apprécie pas du tout la chasse en réalité, et je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs. Et il faut bien, faut bien que les auditeurs comprennent. Ouais. Je le répète, c'est un jeu vidéo. Oui. voilà. Et puis les gens ne font pas ça en vrai. Ouais, mais je peux comprendre, hein, parce qu'il y a quand même tout un vocabulaire autour qui est très chasseur, quoi, qui est normal. Mais il y a une espèce de paradoxe où je pense que les vrais héros de cette série sont les monstres. Souvent, les gens sont fans des monstres, pas des personnages. Les personnages, les humains. N'existe pas trop dans Monster Hunter. Mais les rires ne parlent pas ou très peu. Voilà, il y a une langue qui est inventée. Depuis deux épisodes, on a des vrais doublages, mais jusqu'ici, c'était d'une langue un peu comme dans les Zelda, qui n'existe pas vraiment. D'ailleurs, ici, on découvre le doublage français. Moi, je ne l'avais pas entendu encore. Oui, c'est pareil pour moi. Je l'ai mis qu'en japonais. Et donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose. Les monstres dans Monster Hunter ont presque une valeur un peu mythologique. C'est un peu c'est des monstres, c'est des images. On combat quelque chose de beaucoup trop fort pour nous, qui est désespérant. Et donc, le fait d'avoir des armes de corps à corps, de devoir être vraiment dans la gueule littéralement du monstre, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui fait le plus ressortir le côté épique. De cette série, je trouve. Monster Hunter a eu droit à des adaptations en manga, en série d'animation dernièrement sur Netflix, mais aussi en film par Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich. Et ce film, on l'aime pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Des soldats américains sont en mission de recherche dans un désert. Ils se retrouvent propulsés par une mystérieuse tempête sur une planète de sable sur laquelle des monstres gigantesques et pratiquement immortels sèment la terreur. L'histoire est sans queue ni tête et parfaitement ridicule. Les scènes de combat risibles, les dialogues insipides et creux, le jeu d'acteur atteint un niveau abyssal, encore un réalisateur qui pense qu'il suffit juste d'avoir des effets spéciaux pour faire un film. Ce film semble tabler avant tout sur l'action et les effets spéciaux. Il y manque cependant le plus important, l'aventure. On a ici une escouade de soldats catapultés dans un univers parallèle situé on ne sait où. Or, le film ne parvient pas à capter ses frissons devant l'inconnu. Il ne parvient pas à faire partager le sentiment qu'auraient dû avoir ces soldats devant cet univers et ces monstres géants. La peur pour sa vie, la volonté de survivre, etc. Aucun respect du jeu. Malgré l'univers largement exploitable de Monster Hunter, il n'en est rien. Avec la multitude de monstres qu'il peut y avoir dans Monster Hunter, bah attention, tenez-vous bien, on en voit deux. Un mauvais moment à passer. Alors, c'est des critiques recueillies sur le site Allociné, mais qui font quand même, qui donnent une bonne représentation de comment ce film a été reçu. Et on peut se demander à quel point Paul W. S. Anderson en veut à Capcom pour faire des films comme il en fait, vu qu'il avait déjà commis toute la saga Resident Evil avec Mila Jovovich. Donc, on est vraiment dans la récidive. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que par hasard, autour de cette table, vous avez aimé ce film ? Alors, personnellement, oui, pardon, parce que vous êtes tourné vers moi, je me permets, je ne l'ai pas vu. Et c'est pour ça que vous avez encore cette joie de vivre. C'est ça, je vis encore une vie tout à fait plaisante. Mais il y a quelque chose, moi, que j'ai du mal à comprendre et qui se fait beaucoup dans les adaptations de jeux vidéo et qui a l'air d'être le cas ici, enfin qui est manifestement le cas, c'est ce besoin absolu de relier ça à la réalité en disant ce sont des soldats américains qui se retrouvent propulsés dans le monde de Monster Hunter, comme si on ne pouvait pas faire un film directement sur Monster Hunter, on est dans le monde de Monster Hunter. Je comprends la logique de ça, de vouloir raccrocher le public à quelque chose qu'il connaît, mais je pense qu'il y a finalement assez peu de Marines américains dans le public de Monster Hunter, donc on aurait pu... Et surtout que dans le film, il y a un chasseur interprété par Tony Jaa, oui, qui est quand même cet artiste hyper impressionnant, qui maîtrise le Muay Thai, qu'on a pu voir dans Ong Bak et tout ça, et qui lui, en plus, a vraiment les oripeaux du chasseur de monstres tels qu'ils sont dans le jeu, mais qui ne parle pratiquement pas, préfère suivre Mila Jovovich. Donc, Aranok ? C'est très difficile de donner un avis constructif sur ce film. J'ai envie de dire que la seule chose qui sauve le film, c'est ses effets spéciaux, en fait, entre guillemets, parce que c'est la seule chose qui est bien réalisée. Le jeu d'acteur, ça a été déjà dit, c'est mauvais. Moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est vraiment le côté colonialiste américain qu'on ressent à fond dans le film, et en plus une forme un peu de racisme qui est un petit peu difficile quand même à accepter. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, à notre époque, le film avait pour ambition de faire de l'argent facile sur le territoire chinois, et parce que on était en pleine période de confinement, et quand le film est sorti sur les écrans chinois, il est resté, je crois, une journée et demie sur écran, parce qu'il y avait une blague raciste que le public chinois a tout de suite perçu. Et en fait, viralement, le bad buzz, le film a disparu des écrans et s'est retrouvé directement sur les plateformes. Ça a impacté aussi un petit peu le jeu directement là-bas, donc ça a été très compliqué. Et ce que je peux comprendre, parce que vraiment, enfin, j'ai pas compris du tout ce que ça faisait là, véritablement. Et encore une fois, on a l'impression d'être dans la beaufitude américaine, clairement, sans vouloir être méchant. Et c'est un raté, c'est un vrai raté. C'est dommage, parce que comme le disait Kevin, il y a plein de choses à raconter quand même autour de Monster Hunter. Il y a Moguri. J'ai mis un point d'honneur à appeler tout le monde par son pseudo aujourd'hui, donc c'est pas Kevin, c'est Moguri. La prononciation est impeccable d'ailleurs, en plus, merci beaucoup. Oui, parce que le R, c'est le R. C'est vrai, mais vraiment, sérieusement. Alors, Uncle Sam. Alors, c'est vrai que What are you thinking about this shitty movie? Pour ma part, en fait, j'ai pas vu le film parce que quel dommage. Non, j'ai malheureusement pas vu le film. Le peu de critiques que j'ai pu avoir, faudrait que je le mate un jour quand même. Ce serait une bonne chose. Mais en même temps, c'est hyper révélateur. C'est-à-dire que vous êtes fan du jeu, et voilà un film qui sort sur ce jeu, et vous avez tellement senti un mauvais film. Comment dire J'ai regardé la bande d'annonce, je me suis dit ça a l'air sympa. On le regardera un jour. Oui. Non, en vrai, je suis peut-être un peu méchant. Je pense quand même qu'il doit y avoir des fonds un peu cool dans mine de rien, même s'il y a beaucoup de choses négatives. Je pense quand même qu'il doit y avoir des choses un peu cool. Non, restez sur cette impression. La parole à moi, ça va être pareil que Oncle Sam. J'ai vu les bandes annonces, je me suis dit ouais, je le materai, mais je pense que je serais quand même plus sympa que la normale, parce que moi je suis vraiment très bon public au cinéma, il me faut juste des effets spéciaux et de l'action, et je pense que voir je pense les monstres selon la bande annonce, il y en a deux, mais ils sont bien faits, mais même eux décident de quitter le long métrage pendant, les voit et ils disent non, je vais retourner dans le Seigneur des Anneaux, je me sens mieux là. J'avais pas envie jusque là, je pense que je le materai un jour, mais voilà, ça donne pas trop envie. Je vous assure, faites une bad quête-scène et tout ça, donnez à manger au canard. Je pense qu'il y avait plus à faire. Et c'est vrai que cette histoire de soldats américains, comme d'hab, quoi. C'est un film américain, du coup ils sont obligés de mettre des soldats. Alors là, le film, lui, effectivement, il n'a pas rencontré son public, on l'a dit, mais qu'en est-il de la série elle a été diffusée ou elle va Netflix, être... Netflix, elle a été diffusée sur Netflix. C'est pas une série, c'est un film. Ça devait être une série à la base, en fait, tout à fait. Et donc, qu'en avez-vous pensé ? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Bah, très bien. Alors, il faut qu'ils arrêtent de faire des franchises de Monster Hunter parce qu'ils les sortent en animé, en film et tout ça. Mais nous, on n'a pas le temps, on joue aux jeux vidéo. C'est ça. Donc non, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce système de vouloir capitaliser sur une licence de jeux vidéo, en attendant, contrairement à des adaptations de comics, ça a pas l'air de fonctionner. Les publics ne sont pas pour eux. Je pense, si je puis me permettre, que le public jeux vidéo a été très mal habitué. Enfin, on a vraiment acquis le réflexe après des Super Mario au cinéma, après des Street Fighter au cinéma, après des Mortal Kombat au cinéma, jusqu'à Prince of Persia. Et on a acquis le réflexe de survie qui consiste à ne pas s'intéresser aux adaptations de jeux vidéo, parce que il y a peut-être quelque chose d'un peu impossible dans l'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Le jeu vidéo passe déjà beaucoup trop de temps à essayer de singer le cinéma, je pense, dans ses grosses productions, pour qu'en plus on en fasse littéralement des films après. On a déjà fait une émission sur Uncharted, il faut pas qu'on... Ah pardon, je relance pas ça. Mais donc oui, je pense qu'en fait il y a une question qui se pose à chaque fois qu'un film adapté de jeu vidéo sort, c'est à qui il est adressé, et généralement c'est pas aux fans du jeu, en fait. Oui, parce que les fans du jeu jouent au jeu, en fait. Mais en l'occurrence, voilà. Le truc sur Netflix, très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Si je peux me permettre, en gros, de ce que j'ai vu, puisque je l'ai regardé quand même, j'ai trouvé que ça respectait vraiment très très bien l'univers. Et là, ça fait vraiment du bien vis-à-vis de ça. Par contre, l'histoire, on est vraiment sur du shonen. Et donc, ça vise quand même un public quand même avec assez jeune. Avec un jeune garçon qui a son parcours initiatique, qui évolue comme ça, mais qui est plein de ce sang bouillonnant et de cette envie de sauver les gens. C'est ça. Tout à fait. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve les personnages de Monster Hunter World, en fait. C'est les mêmes personnes. Il y a des clins d'œil aussi. Il y a des clins d'œil partout. Il y a quatre Ultimates dans cet opus-là. Et donc, indirectement World aussi. Parce qu'il y a une vraie transition entre l'opus qui était sorti sur New 3DS à l'époque et donc celui sur PlayStation 4. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'il aborde quand même plein de sujets assez intéressants. Et on parlait justement de l'équilibre, la nature. Ce sont des choses qui sont abordées. On voit plusieurs personnages. Des choses qui datent de la licence de ses débuts, mais jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est très intelligent ce qui a été fait. J'ai juste pas aimé l'histoire parce que c'était vraiment pour moi trop ado, en fait, tout simplement. Mais ça en reste, enfin, je trouve que ça reste quand même une belle production. C'est honnête, c'est un film qui dure 58 minutes. Je le conseille pour ceux qui connaissent pas et qui veulent se familiariser un petit peu avec l'univers, en sachant que c'est vraiment plus on va dire vraiment c'est un parcours initiatique, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Et je pense qu'il faut le voir comme ça, pour mettre un premier pied dans l'univers. Quand on arrive à la fin de l'été, en général, on connaît la playlist par cœur, mais soudain, on découvre une pépite. Un petit peu comme quand on découvre une paire de chaussettes neuves et pas dépareillées, quand on s'habille le matin, on est content. Et moi, j'ai découvert Joy Crox. Je ne vous ai pas encore fait écouter Joy Crox. Fate Don't Fail Me Now de Joy Crooks et on dit merci Thierry Dupin. Nous avons trouvé des failles non naturelles un peu partout dans les environs. Cela indique une importante activité sismique dans la région. Attendez un peu. La vouivre est mortelle. Mère ! C'est peut-être une mission pour la cinquième flotte. Mais votre maître voulait que vous trouviez quelque chose. Si vous ne cherchez pas la vérité, elle sera perdue pour toujours. Venez avec nous. Combattez avec courage et intelligence. La vuivre immortelle. Ça, c'est ce que je disais hors antenne, ça semble être très cochon quand il le dit en français. Ah, c'est un peu. Et justement, alors, la franchise a évolué. Au début, quoi qu'on en pense, et même s'il y avait déjà eu du succès, on était quand même dans un jeu de niche. Hein. Les joueurs de Phantasy Star, auparavant, peuvent s'y retrouver. Je dis, oui, il y avait un petit peu quelque chose de ce genre-là. Et tout d'un coup arrive Monster Hunter World, et là on a l'impression que Capcom se dit, ok, on a compris que ce jeu pouvait plaire au grand public, on passe la seconde, et on a un jeu absolument incroyable. Comment vous l'avez reçu, vous, qui connaissez la licence depuis longtemps ? Nous, c'était un peu notre petit jeu de niche, on avait notre petite commu, enfin, on se sentait vraiment un peu à part, et là, il y a tout le monde qui est arrivé dessus. Et personnellement, moi, contrairement à... Il y a beaucoup de joueurs qui sont en mode « Non, mais c'était notre jeu, machin. » Et moi, au contraire, j'étais trop contente parce que c'est un jeu que je stream sur Twitch. Donc forcément, je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de joueurs sur cette licence. Joueurs et joueuses, ouais. Exactement. Uncle Sam ? Yes, en gros, en fait, Monster Hunter World a été vraiment, pour moi, la transition. Vraiment, Capcom ont réussi leur coup dans le sens où, en fait, tous les petits défauts qu'on avait sur les anciens Monster Hunter, qui faisaient très niche. Il faut savoir quand même que c'est un jeu qui ne t'accompagne pas vraiment, dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de tutoriels. C'est pas un jeu qui t'est accompagné par la main. C'est compliqué. Même moi, par exemple, quand j'étais plus petit et que j'ai commencé à jouer sur Freedom Unite, mon tout premier match, je ne comprenais pas. Il faut être accompagné, en fait. C'était assez difficile et c'est une fois que j'ai compris petit à petit comment fonctionnait le jeu que j'ai pu jamais lâcher l'aventure. Et en gros, World a été toutes les petites choses. Par exemple, quand vous prenez une potion pour vous soigner, et bien avant, votre personnage restait statique. Mais il peut plein faire de choses, exactement, en marchant. C'est plein de petites choses qui se sont tellement fluidifiées. Les armes également, les combos supplémentaires qui ont été ajoutés, les coups supplémentaires sont devenus tellement fluides, tellement et vraiment exceptionnels. Et il y a eu, pour moi, c'est vraiment une évolution parfaite, vraiment parfaite de la licence, qui fait que, en gros, le fait de l'avoir fait en plus avec des monstres d'une qualité exceptionnelle. On va pas se mentir, ça fait rêver. T'es à taille humaine, tu vois un dragon devant toi, tu te dis, forcément, c'est un peu, c'est intimidant, et ça te donne envie d'aller au combat. Tu te dis, je vais réussir à battre ça. Et c'est ça qui donne ou la pas. Force, ou pas, oui. Ou pas, ou mourir et mourir en boucle. Mais c'est ce qui fait aussi, et c'est un jeu qui a aussi, il faut le savoir, qui a une difficulté, qui a une grosse difficulté en fin de jeu. Vraiment, la fin de jeu est pas facile. Et surtout, si vous commencez la licence, ça met vraiment du temps avant de réussir à battre tous les monstres du jeu et devenir vraiment fort avec votre arme principale. C'est ça qui fait aussi l'envie de toujours, le goût du revient. C'est vraiment le fait de, ok, j'ai pas réussi ce fois-ci, c'est pas grave, on va continuer à y arriver. C'est vraiment ça qui fait la force de jeu. Mogoli ? En fait, je pense, si je peux apporter juste une petite nuance, on parlait Moi, j'aime bien quand les gens apportent des nuances. Un petit peu, juste un petit peu. Viens à vin rouge et entrée, salade, dessert, j'aime bien aussi, mais nuance, c'est mieux. Nuance, c'est mieux. Oui. Non, c'est qu'on parle de jeux de niche transformés en jeu très populaire. Je pense que ça, c'est vraiment d'un point de vue européen. Mais en fait, Monster Hunter, c'est une série qui a longtemps eu un peu deux vies. Sa vie japonaise, où c'était déjà une série très populaire, en fait. Tout le monde y jouait un peu partout. Vrai. Donc c'est une série qui avait déjà l'expérience de la popularité, qui juste n'avait pas réussi à s'exporter. Elle n'était pas mondialisée, oui. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, le titre Monster Hunter World, on ne peut mieux choisir, parce que c'était vraiment ça affichait les ambitions de Capcom, qui disait, maintenant, on part à la conquête littérale du monde. Et c'est surtout, finalement, donc pas une transition de la niche vers la popularité, mais plus du Japon vers le monde qu'ils ont réussi à faire avec World. Et je pense que tout le monde est d'accord ici. Je trouve ça brillant, quoi. Totalement d'accord. Ouais. Arnok, on approche de la fin de cette émission et on n'a pas parlé mais de ces petites bestioles qui nous accompagnent. campagne qui font la cuisine, que l'on trouve. Les félines. Nos amis ligniens, tout moi, à fait. Moi, je suis team Palamute maintenant. Il faut rapidement expliquer aux auditeurs ce que c'est, parce que c'est ça aussi le côté kawaii qui de Monster Hunter. Tout à fait. Alors, dans Monster Hunter, vous avez tout simplement un petit peuple qui s'appelle donc les félines, qui accompagnent en fait les chasseurs au quotidien, dans leur quotidien de chasseur, donc à la fois en partant en quête avec eux pour les aider, et donc qui permettent de vous soigner, de poser des pièges à votre place, etc. Donc ça, c'est pour la partie palico. Et c'est des petits chats. Les petits chats. Et sinon, vous pouvez les retrouver aussi en ville, donc ils peuvent vous faire tout simplement la cuisine, et elles peuvent aussi fabriquer donc des armes pour vos compagnons de chasse, tout simplement. Oui, et alors vraiment, il faut le noter, c'est un jeu qui arrive à rendre des chats utile. C'est vrai, intéressez-vous à Monster Hunter, voilà le jeu qui arrive à vous rendre des chats utiles. Et il y a notamment aussi des opus, là on est au bout, mais que je conseille aux auditeurs sur Switch, Monster Hunter Rise. Qui est sorti sur Switch, dans lequel il y a même des déplacements verticaux. Tout à fait. Voilà, avec une sorte de fouet. Et Monster Hunter Stories 2, qui est grandiose aussi. Allez-y. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette émission qui avait pour thème le jeu vidéo Monster Hunter. Je ne le dirai jamais assez, le jeu vidéo c'est formidable. Et au lieu de vous dire, oh là, je comprends rien à ce qu'ils disent, sautez le pas, jouez, il n'y a pas d'âge ni de genre, soyez curieux. Aranok, Oncle Sam, Mizu et Moguri, merci à vous. Merci également à Victor Ouvrard à la technique et à Del Caglar au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Vous avez été témoin de la lutte entre les monstres. Ils se battent sans aucune pitié. Je ne peux pas partir. Il y a encore du travail à faire. Alors combattons, en tant qu'élément de cet écosystème, en tant que chasseur du nouveau monde. Demain dans Blockbuster, si vous aimez les comédies romantiques, les fins heureuses, les petits oiseaux, et les chansons de Vianney, ce ne sera pas votre émission préférée. Dommage. Par contre, si pour vous les frères Dardenne réalisent de très bonnes comédies, si vous vous tapez le cul par terre en écoutant un rapport de la Cour des comptes, et si la fin du monde vous enchante, parce que comme ça vous n'aurez pas à rembourser votre crédit, alors, cette émission va vous plaire. Demain, on parle de l'incroyable manga Berserk. France Inter.